بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue inshallah ta'ala cette série concernant l'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Et si je ne me trompe pas, aujourd'hui on entame le 14e cours. L'imam Ahmed rahimahullah qui dit: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. Et donc on a vu précédemment, lors des cours précédents, lors du cours précédent, on a vu l'obéissance au gouverneur. Que l'obéissance au gouverneur fait partie des fondements des gens de la sunna et du groupe. Et maintenant, l'auteur va aborder un sujet lié à cela, lié à l'obéissance au gouverneur, c'est le fait de se rebeller contre celui-ci. Il nous dit donc, rahimahullah, celui donc qui se rebelle contre le gouverneur, contre l'imam, ou un imam parmi les, ou un gouverneur parmi les gouverneurs des musulmans, alors que les gens étaient donc, s'étaient rassemblés autour de lui. Donc les gens avaient pris cette personne comme gouverneur. Peu importe la façon dont il a obtenu ce poste, que ce soit par la satisfaction des gens ou alors par la force, peu importe. Il se peut qu'il ait obtenu ce poste de gouverneur par la force, une armée ou le vote, ou il se peut qu'il ait obtenu de manière légiférée. Peu importe la manière dont il a obtenu ce poste de gouverneur, Il nous dit l'imam Ahmed rahimahullah, celui qui se rebelle contre lui aura fait scission des musulmans et aura contredit les textes rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il fait cela, s'il meurt sans se repentir, alors il aura une mort anti-islamique. Et donc, ô cher frère, barakallahu fikoum, on a déjà vu qu'il est l'unanimité des savants qui montre l'interdiction de se rebeller contre le gouverneur musulman. Parmi ces textes, il y a dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, as-Sahihain, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man kharaj ala sultani famat, mat mitatan jahiliya » Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahihain. Celui qui se rebelle contre le gouverneur et meurt, cette personne-là aura une mort anti-islamique, c'est-à-dire une mort conforme aux croyances anti-islamiques, une mort qui contredit la croyance musulmane. Notre croyance, barakallahu fikoum, quand on regarde les textes du Coran et de la Sunna, on comprend un point simple, clair et évident. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné l'endurance et nous a enseigné le fait de ne pas aggraver les choses. Un gouverneur injuste est une chose qui est grave. Un peuple qui se regroupe, qui se rebelle contre un gouverneur injuste, il est déjà injuste. Les gens ne se rebellent pas contre lui, il est déjà injuste. Que dire lorsque les gens se rebellent contre lui? Qu'est-ce qu'il va faire? Que va-t-il se passer? Combien de personnes vont mourir? Combien donc d'hommes dont leur honneur va être sali? Etc. Et donc il est important, barakallahu fikoum, de bien comprendre que le fait d'obéir au gouverneur, le fait de ne pas se rebeller contre eux, ce n'est pas la croyance de Saoud. Aujourd'hui, les médias, Al Jazeera, ainsi que les frères musulmans, ils veulent faire croire à la communauté musulmane que c'est quelque chose qui vient de la famille Saoud. Ils ont inventé ça, le fait d'obéir au gouverneur. Pourquoi ? Pour que les musulmans obéissent à la famille Saoud. L'imam Ahmed, rahimahullah, est-ce que c'est un Saoudien ? L'imam Ahmed, est-ce que c'était un Saoudien ? Non. Un Indien ? Un Indien ? Non. Pakistanais ? Non. Tu confonds avec Bukhari ? L'imam Ahmed, rahimahullah, en Irak, barakallahu fik. Déjà, l'imam Ahmed, rahimahullah, il était en Irak. Les frères, l'imam Ahmed, rahimahullah, il est mort bien avant que l'État saoudien existe. L'État saoudien n'existait pas encore. Et aujourd'hui, les gens veulent nous faire croire que cette croyance, c'est la croyance de Saoudi. Dès que tu parles, obéir au gouverneur, ils vont te dire Saoudi. Ils vont te dire wahhabiste. Wahhabiste, pourquoi obéir au gouverneur? Mais attendez, vous avez déjà vu, vous avez déjà lu les livres des anciens? Vous avez déjà lu Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim? Dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'il est interdit de se rebeller contre le gouverneur, il entarau fihi kufran buwahan indakum fihi min Allahi burhan. Interdit de se rebeller contre le gouverneur, sauf si vous voyez en lui une mécréance claire et évidente, et que vous avez une preuve venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pas une mécréance qui vient de... Oui, je pense qu'il est mécréant. Pourquoi? Obligé, il est mécréant. Mais pourquoi il est... Obligé, je t'ai dit, obligé, il est mécréant. Non. Il te faut une preuve. Que pour mécréance. Que pour la mécréance. Injustice, non, on patiente. On est obligé de patienter. Quand tu regardes, qu'est-ce qui s'est passé en Syrie? Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas terminé. Est-ce que les gens ont gagné? Ils se sont rebellés. Qu'est-ce qu'ils ont gagné en fait? Leur pays est devenu, s'est transformé en fromage, des trous partout. Des bâtiments explosés. S'ils ne sont pas explosés, ils sont troués. Combien de morts? Qu'est-ce qu'ils ont gagné à se rebeller? Rien du tout. Rien du tout. Non. Est-ce que c'est pas la peau des quatre petites écoles? Ça, c'est un sujet d'unanimité. C'est pas que les quatre écoles. Hein. C'est plus que les quatre écoles. Unanimité. Ça, c'est la croyance de l'imam Ahmed, l'imam Malik, Shafi'i. Ça, c'est un sujet d'unanimité. Il n'y a pas de divergence. Taïb, lorsque le gouverneur n'est pas musulman, est-ce qu'on peut se rebeller contre lui? Il n'est pas musulman? Il n'est pas musulman. Il peut pas être gouverneur, il n'est pas musulman. Il est déjà là. Il est à un poste de gouverneur dans un pays musulman. Et lui, il n'est pas musulman. Est-ce qu'on peut se rebeller contre lui? Est-ce que les musulmans peuvent se rebeller contre lui? Non, bien sûr, oui. Hein? Oui. Oui. Oui, parce qu'il n'est pas musulman. Mais même là, il ne peut pas manifester, là, même là, c'est interdit. Alors, les savants, ils disent, premièrement, à condition qu'on ait déjà un remplaçant. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de gouverneur? Quand il n'y a plus de gouverneur, c'est la guerre pour savoir qui sera le gouverneur. Et donc, avant de le faire partir, faut déjà avoir le remplaçant. Deuxièmement, il faut être sûr de limiter au maximum les pertes. Si c'est pour lancer une guerre, une puissance contre une autre puissance, non. Ici, aujourd'hui, à notre époque, dans quel cas ça va arriver? Dans quel cas ça va être permis? Si le gouverneur n'est pas musulman et que l'armée prend le pouvoir. Voilà. L'armée, elle prend le pouvoir, il n'y a pas de sang. C'est eux qui ont les armes. Personne d'autre n'a les armes. L'armée, elle dit au gouverneur, ça y est, c'est terminé, c'est sorti de l'islam, suivant, etc., etc. Dans ce cas-là, c'est permis. Et donc, le gouverneur n'est pas musulman. Il y a un remplaçant avant. Et il y a le fait de limiter le sang. L'imam Ahmed, rahimahullah, cet homme qui a écrit ce livre que nous lisons, C'est un homme qui a été éprouvé, les frères. C'est un homme qui a été éprouvé. Parce que le gouverneur voulait qu'il dise que le Coran a été créé. Le Coran, la parole d'Allah, c'est quoi? C'est la parole d'une créature? La parole d'une créature? Le Coran? Il voulait qu'il dise cela. L'imam Ahmed n'a pas voulu. Il est resté ferme sur la sunna. Ramenez-moi une preuve, un verset ou un hadith. Non, il n'y a pas. Non, je ne suis pas. Il se faisait fouetter. Il s'évanouit. Lorsqu'il se relève, on le refouette encore, etc., etc. Certaines personnes ont dit, oh imam, c'était qui était l'imam Ahmed? Il avait des milliers de personnes qui le suivaient. Les gens lui ont dit, oh imam, une parole tu prononces. Tu prononces une parole, c'est fini, les gens vont se rebeller. Une parole. Il a dit, eddimé, le sang, le sang. Craignez le sang. Aujourd'hui, actuellement, c'est une fitna, c'est une épreuve spécifique. C'est une épreuve qui me concerne, moi. C'est moi qui suis éprouvé. C'est pas vous, c'est moi. Si maintenant, vous vous rebellez, c'est tout le monde qui sera concerné. Alors, méfiez-vous du sang. Et c'est ça la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'où l'importance de patienter et de ne pas suivre tous ces médias, tous ces gens qui appellent les musulmans à se rebeller contre leur gouverneur, comme ils étaient contents, le printemps arabe, dont les pays ne se sont toujours pas relevés jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne se sont toujours pas relevés. Il dit l'imam Ahmed rahimahullah, وَلَا يَحِلُّ قِتَالُ السُّلْطَانِ وَلَا الْخُرُوجُ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. Il dit, il n'est pas permis de combattre le gouverneur et celui qui se rebelle contre lui. Et il n'est pas permis non plus de se rebeller contre lui. Et celui qui fait cela, celui-ci est un innovateur qui suit autre que la sunna et autre que la voie. C'est-à-dire, il suit autre que la voie des gens de la sunna et du groupe. Le fait de se rebeller contre le gouverneur, c'est une voix qui est connue de Al-Khawarij, le groupe qui s'appelle Al-Khawarij. Il continue, subhanallah. Les frères, regardez comment cela, on aborde ici la croyance des gens de la sunna. Et malgré cela, l'auteur, il aborde des sujets qui touchent aujourd'hui tout le monde. Pour nous montrer que l'islam est une religion qui concerne toute notre vie. Les gens veulent nous faire croire que l'islam, non, c'est juste le fait que tu crois aux anges, tu crois à Allah, tu crois... C'est juste dans le cœur, l'islam. L'islam, c'est dans le cœur, c'est dans le cœur, c'est tout. L'islam, c'est à la mosquée. Quand tu es à la mosquée, tu es musulman. Quand tu sors de la mosquée, c'est Antoine. Non. Notre religion est générale. Tu es musulman à la mosquée, à l'extérieur de la mosquée, tu as des principes que tu vas respecter tout au long de ta vie. Regardez le sujet qu'il aborde maintenant. Parce qu'on a déjà vu précédemment qu'il est interdit de se rebeller contre le gouverneur. Et on a déjà vu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Isma wa ati'a wa in duriba zahruk wa surika maluk. Obéis, écoute et obéis au gouverneur, même si ton dos est frappé et ton argent est volé. Tu dois obéir au gouverneur. Et donc, dans ce cas-là, tu patientes. Maintenant, il aborde un autre sujet, le cas du voleur. Là, ce n'est pas un gouverneur qui vient qui prend ton argent. Là, c'est le voleur. وَقِتَالُ اللُّصُوصِ وَالْخَوَارِجِ جَائِزٌ. Le fait de combattre les voleurs et les khawarij, cela est permis. إِذَا عَرَضُوا لِلْرَجُلِ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ. Si ces gens-là, les voleurs, s'ils s'opposent concernant la vie et les biens de la personne. Donc quelqu'un vient chez toi pour te voler ton argent. Quelqu'un vient chez toi pour te prendre ta vie. À ce moment-là, est-ce que tu vas appliquer la règle des chrétiens ? Tu m'as mis une claque sur la joue droite, tiens, je te tends la joue gauche. Hein? Tu as voulu prendre 500 euros? Tiens, il y a un coffre-fort là. Il y a d'autres encore. Prends. Ou alors, est-ce que tu vas protéger tes biens? En islam, tu protèges tes biens. Tu protèges tes biens et tu te protèges. Tu protèges ta vie, tu protèges ta famille. Et donc, il est permis de combattre ceux qui viennent pour t'agresser, pour te piller, etc. Il nous dit l'imam Ahmed, « Falahu an yuqatila an nafsihi wa malihi wa yadfa'a anha bi kulli ma yakdir. » Et donc, il est permis à cette personne de combattre pour protéger sa personne ou ses biens et repousser, repousser les voleurs en utilisant tous les moyens qu'il peut. وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. Par contre, il ne lui est pas permis. Lorsque ceux-ci donc sont partis, l'ont laissé, il ne lui est pas permis de les rechercher ou d'aller derrière eux, de chercher à les atteindre. Ils sont partis. Et donc ici, il y a un point qui est important, barakallahu fikoum, et l'imam il va le citer, c'est qu'il s'est interdit d'avoir l'intention de tuer. Tu as le droit de te défendre. Même en France, on appelle ça comment? Ils nous ont copié. Hein? Ils nous ont copié. Ça s'appelle ici légitime défense. Et donc toi, tu as le droit de repousser le voleur. Tu le repousses. Tu vois que tu n'arrives pas à le repousser avec les mains. Il y a le balai. Tu vois, tu prends un bâton. Toujours pas. Il veut pas. Les savants nous disent même avant, tu menaces. Tu vas pas le taper directement. Tu l'appelles, tu lui rappelles, Allah, non, ne viens pas prendre mon argent. Attention, je ne veux pas me laisser faire. Non, ne cherche pas à faire ça. Non, attention, il ne veut pas. Allez. Ainsi de suite. Et toi, ton intention, ce n'est pas de tuer la personne. Ça, tu n'as pas le droit. C'est interdit. Rappelez-vous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. Lorsque les deux musulmans se rencontrent avec leurs armes, alors le tueur et le tué sont tous les deux dans le feu. Les compagnons qui disent, oh messager d'Allah, concernant le tueur, ok, mais concernant celui qui a été tué, comment ça? Il a dit, فَإِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ أَخِيهِ. Car celui-ci, il voulait, il s'efforçait de tuer son frère, mais il a été tué. Mais il voulait le tuer. Et donc toi, ton intention, ce n'est pas de tuer. Il faut faire très attention à ça. Neutraliser la personne, exactement. Et donc, comme il a dit l'imam Ahmed, lorsque tu vois que les voleurs, tu as réussi à les repousser, ils ont vu, machallah, c'est un costaud, etc. Ils ont dit, bon, on prend la fuite. Ils sont partis, tu ne vas pas courir derrière eux. Ou alors, tu l'as neutralisé, comme il dit ici l'imam Ahmed. Après cela, il dit l'imam Ahmed, « Laysa li ahadin illa l'imam, awulat al-muslimin. » Personne donc ne peut donc chercher à courser ces voleurs, personne ne peut chercher donc à courir derrière eux, sauf le gouverneur. C'est le gouverneur, ce sont les autorités qui vont rechercher ces bandits et ces voleurs. Ce n'est pas à toi. Toi, ce que tu dois faire, c'est prévenir le gouverneur. Il y a une personne qui est venue m'agresser, dans mon domicile, etc., etc. Et ce sont les responsables, les services d'autorité qui vont se charger d'aller derrière cette personne. إنما له أن يرفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا. Et donc la seule chose qu'il peut faire, le musulman ici, le croyant, c'est de protéger ses biens et sa personne à ce moment, à l'instant T, et il a l'intention de ne tuer personne. فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فَأَبْعَدَ اللَّهُ الْمَقْتُولِ. Et donc ici, l'imam Ahmed, il veut nous dire que si il arrive que tu n'as pas réussi à te protéger, à protéger ta vie, et de protéger tes biens que par le fait d'avoir tué cette personne. Et tu n'as pas voulu la tuer. Alors ici, tu vas être innocenté. Et comme on l'a ici, en France, avec la légitime défense. Mais maintenant, si c'est l'inverse, si c'est toi qui es tué, si c'est toi qui es tué, l'imam Ahmed rahimahullah, il nous dit, فَإِنْ قُتِلَ هَذَا فِي تِلْكَ الْحَالِ وَهُوَ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ رَجَوْتُ لَهُ الشَّهَادَةِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ. Et si cette personne-là, elle est tuée dans cette situation, alors, en protégeant ses biens et sa personne, alors à ce moment-là, j'espère qu'elle soit martyre, comme cela a été cité dans les hadiths. Taïeb, on vient de dire, le tueur et le tué sont dans le feu. Et là, maintenant, l'imam Ahmed, il nous dit, martyr. Oui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme dans Sahih Muslim, d'après Abu Huraira, un homme est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et a dit, ô messager d'Allah, vois-tu si un homme veut me prendre mes biens? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, ne lui donne pas. Il dit, et vois-tu s'il me combat pour cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors combat-le. Vois-tu s'il me tue? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, anta shahid. Alors là, donc tu es martyr. Tu es martyr, il a dit sallallahu alayhi wa sallam. Qala ara'aita in qataltuhu. Et vois-tu si c'est moi qui le tue à ce moment-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, huwa finnar. Et donc là, il est dans le feu. Et ici, l'imam Ahmed rahimahullah, et donc on comprend bien, on fait la distinction. Entre une personne qui cherche à se protéger, elle ne veut pas tuer l'autre personne. Et une autre personne qui veut tuer l'autre personne. Ce sont deux cas différents. Deux cas totalement différents. Ensuite, il continue l'imam Ahmed, il nous dit, « وَجَمِيعُ الْأَثَارِ فِي هَذَا إِنَّمَا أُمِرَ بِقِتَالِهِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِقَتْلِهِ وَلَا اتِّبَاعِهِ. » Il nous dit, tous les textes qui concernent ce sujet nous montrent qu'il est ordonné de combattre le voleur, pas de le tuer. Tous les textes font la différence entre « el-qital » et « el-qatl », le fait de combattre et le fait de tuer. Et il n'a pas non plus été cité le fait de le poursuivre. Et il n'a pas non plus été cité « wala yujhiza alayhi in suri'a aw kana jarihan ». Et il n'a pas été non plus cité le fait de lui donner la mort si celui-ci est blessé ou alors est évanoui. C'est-à-dire que la personne, elle cherche à te tuer, toi tu as réussi à avoir le dessus, elle a perdu connaissance ou elle est fortement blessée. Une fois qu'elle est fortement blessée, elle est par terre. Est-ce qu'il t'est permis de la tuer? Non. Il ne t'est pas permis. Ça y est, tu as neutralisé la personne, tu appelles les autorités. Il dit, « Wa in akhadahu asiran falaysa lahu an yaqtulahu. » Et si tu en fais un prisonnier, alors tu n'as pas le droit de le tuer. « Wa la yuqima alayhi al-had. » Et tu ne peux appliquer sur lui aucune sentence. « Walakin yarfa'uhu, yarfa'u amrahu ila man wallahu Allah fayahkumu fihi. » Et donc cependant, la seule chose que tu vas faire, c'est que tu vas confier cette tâche à celui dont Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné autorité, et c'est lui qui va juger. C'est lui qui va juger dans cette affaire. Et puis voilà pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khair.